Alors Bruno Fay, à partir de quand peut-on parler de complot et de théorie du complot? C'est un mot qui est très compliqué à définir, le mot complot. Un complot, normalement, c'est la réunion de plusieurs personnes ou de groupes visant à nuire aux intérêts d'autres personnes ou d'autres groupes de manière clandestine. Ensuite, la théorie du complot, c'est simplement la vision d'un complot avéré ou non. C'est là que j'insiste bien dans mon livre sur le fait que les théories du complot ne sont pas forcément toutes farfelues. C'est-à-dire qu'une théorie du complot peut être avérée ou non, et ça, on s'en rend compte à la fin d'un travail d'enquête. Alors, Alain Soral, est-ce que vous êtes un théoricien du complot? Moi, ce mot-là, je crois qu'il n'est pas employé dans mon livre. En fait, moi, je parle de projet de domination, de réseau de domination. Et la politique, c'est la domination. Et la domination se fait soit par la guerre et la violence, soit par la ruse, la manipulation. Et dans les sociétés démocratiques modernes, il y a toujours un projet politique de domination, en général lié au milieu de l'argent, et qui se fait par ce que j'appelle la démocratie d'opinion, c'est-à-dire par la manipulation de l'opinion, notamment via les médias. On va y revenir, mais si vous n'employez pas le mot complot, est-ce que c'est pas précisément parce que si vous l'employez, ça décrédibiliserait votre propos? Oui, parce qu'effectivement, l'expression théorie du complot est un anathème. Il n'y a pas de théorie derrière. Il y a quand vous dites, voilà, il y a un projet de domination oligarchique et bancaire, aujourd'hui, qui est logé à Wall Street, on le voit d'ailleurs. C'est la thèse que vous défendez dans l'une des thèses. Elle est assez facilement argumentable aujourd'hui, ça se voit quand même beaucoup. Alors on vous dit, théorie du complot. Et c'est censé être, voilà, vous passez pour un idiot ou un fou. Et puis c'est surtout, il y a la réduction ad hitlerum pour certains sujets, et là c'est la réduction ad complotum, c'est-à-dire on vous parle des reptiliens tout de suite. Alors que non, vous dites, voilà, il y a des réseaux, il y a notamment, je ne sais pas, les Bidenberg, la Trilatérale, les CFR, on voit bien qu'il y a des organisations un peu pyramidales, de gens qui... On voit bien que Pascal Lamy est d'abord à l'Europe, puis à l'OMC. On voit bien que Strauss-Kahn, qui arrive pour la présidentielle, a été 5 ans au FMI, et qu'il est quand même un membre de la haute oligarchie financière mondiale. Mais ce sont des réseaux. Oui, bien sûr. C'est du complot, de la manipulation. Je vous dis dans mon livre. Pourquoi est-ce que vous passez de l'un à l'autre? Réseau à la manipulation et au mensonge. Quel est le lien? Parce que, par exemple, Strauss-Kahn ne vient pas en disant, voilà, je vais être le Gauleiter de la région France dans le gouvernement mondial. Il dit, je veux être le président de la République française, car je me sens pleinement français. Il dit pas. Enfin, il le dit pas, pour l'instant, en tout cas. Ouais, si on prend Sarkozy pas dire, voilà, je viens avec de l'argent essentiellement américain pour soumettre la France de A à Z en détruisant ce qui restait du Quai d'Orsay, en réintégrant l'OTAN, et en trahissant ce qu'avait fait De Gaulle, etc., alors qu'il se prétend l'héritier du gaullisme. On ne dit jamais ce qu'on va faire pour dominer, évidemment. Donc, moi, je mets tout ça bien à plat, et puis je dis, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été fait, voilà vers où ça mène. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que l'idée de gouvernement mondial, qui aurait été thèse complotiste il y a 10 ans, tous les leaders, on va dire, aujourd'hui des mondiaux, sauf les dissidents, peut-être comme Chavez ou Ahmadinejad, disent, il nous faut un gouvernement mondial, allons vers un nouvel ordre mondial. Et hier, c'était Bush qui le disait, et aujourd'hui, c'est même Michel Rocard, quand il est invité par le MEDEF. Oui. Vous voyez Bruno Fay, tout ce que dit Alain Soral, est-ce que ça vous semble appartenir à cette théorie du complot dont vous disiez tout à l'heure qu'elle n'est pas forcément fausse? Je rejoins Alain Soral sur le fait qu'on ne va pas forcément utiliser ce mot théorie du complot, parce qu'il y a tellement de fantasmes derrière le mot complot qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Et tout à l'heure, Alain Soral faisait une allusion à l'anathème qui est lancé à travers ce mot-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'appelle plus ça, moi, l'excuse de la théorie du complot. C'est-à-dire que, c'est ce que je montre dans le livre, c'est que l'on surfe sur un phénomène aujourd'hui de société qui est celui du conspirationnisme, où tout le monde voit des complots partout. Et personne ne croit plus la parole officielle. Donc je m'intéresse plus à la crise d'autorité officielle et au fait qu'on voit des complots partout. Alors est-ce qu'Alain Soral voit des complots partout et dans ce qu'il nous décrit dans son livre, est-ce qu'il y a un fondement logique ou est-ce que c'est finalement le règne du soupçon et de l'accusation à tout craint? Je vais répondre juste un mot. Et du coup, dans ce contexte-là, aujourd'hui, l'accusation de complotiste, de conspirationniste, de théorie du complot est utilisée effectivement habilement pour décrédibiliser un adversaire. Et c'est aussi ça que je veux analyser. Je veux sortir de ce mot-là, comme si on avait deux camps, d'un côté les conspirationnistes et les autres les non-conspirationnistes, pour montrer que non, les choses sont plus complexes, plus subtiles, et que nous sommes tous conspirationnistes d'une manière ou d'une autre, quand on ne se vaccine pas contre la grippe A, par exemple, en ne croyant pas les laboratoires, quand on doute de Karachi, quand on doute de Clearstream, etc. Est-ce que, Alain Soral, est-ce que le fond du problème, finalement, c'est pas la crise de confiance entre le peuple, pour faire simple, et les élites? Finalement, aujourd'hui, on ne fait plus de confiance à personne, et on regarde les puissants d'un œil particulièrement soupçonneux. Oui, mais c'est voire lié, trop soupçonneux. C'est lié quand même à un lent processus de mensonges avérés, notamment par exemple le mensonge européen. On a dit aux gens, on va faire l'Europe, ça sera le plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de stabilité. Et aujourd'hui, on ne peut plus vendre l'Europe que comme au nom de valeurs positives. Bon, simplement, ce sera l'Europe ou le chaos, l'Europe ou le néant. Et en fait, les gens ont eu 30 ans quand même pour additionner, avaler un certain nombre de couleuvres, qui fait qu'aujourd'hui, s'ils ne croient plus leurs dirigeants, c'est à juste titre. Regardez Sarkozy. Sarkozy s'est fait élire sur une ligne, je dirais presque Front National. Immédiatement derrière, il a fait l'ouverture à gauche. Il a dit qu'il ne toucherait pas aux retraites, il y a touché. Il a dit qu'il était le continuateur de la politique gaulliste, il a fait tout le contraire. Mais en politique, donc, il y a, pour Nicolas Sarkozy comme pour les autres aussi, le principe de réalité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait une volonté de mensonge ou une volonté de manipulation dès le départ. Il y a un plan très clairement établi pour truander, entre guillemets, l'électeur et les gens. C'est pas un plan. C'est qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, la domination aujourd'hui ne se faisant plus par la violence, se fait essentiellement par la manipulation, on va dire, médiatico-politique. Et en réalité, le projet de l'oligarchie, ça c'est ce que je dis, qui est l'oligarchie bancaire, n'est pas le projet de la fraternité, du partage des richesses et de l'amour des peuples. C'est un projet d'accumulation de richesses qui est un processus de violence. Bruno Fay. Dans le livre, je parle justement de nouveau conspirationnisme. Je crois que c'est ça le phénomène nouveau depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, qui est lié aussi à l'événement de la société d'information. C'est qu'il y a toujours eu des mensonges en politique, on est d'accord là-dessus. Il y a toujours eu des vrais complots. Les assassinats politiques existent, c'est une réalité. La différence, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce que je mesure, c'est l'impact de ces vrais complots, de ces vraies manipulations d'informations sur les opinions publiques. Et je pense effectivement qu'à force de voir que l'on nous ment, alors on peut prendre l'exemple du nucléaire qui est d'actualité, on nous a menti sur les essais nucléaires dans le Sahara dans les années 60, j'en parle longuement dans le livre, Tchernobyl. On nous a menti sur Tchernobyl, on nous a menti sur Mururoa, où la vérité n'est pas encore tout à fait claire non plus, on nous a menti pour le coup sur le Rainbow Warrior qui a été vraiment coulé par les services secrets, et tout cela fait qu'aujourd'hui on arrive à un moment où l'opinion publique ne croit plus la parole officielle. Donc vous aviez raison de dire, le sujet c'est la crise de la société, la crise de confiance dans les autorités, qu'elle soit politique, économique ou spirituelle. Et c'est vraiment ça le problème de fond, à mon avis, et qui est lié, je crois, c'est ce que j'essaie d'analyser, à la montée de l'information, avec notamment les nouveaux médias qui permettent de faire avancer la vérité. Mais les médias sont complices de cet état de fait ? Non, je ne parlais pas ça, je parlais de l'événement d'Internet qui fait que la vérité émerge par d'autres biais. Alors, il y a de tout et n'importe quoi sur Internet, mais il y a aussi des éléments qui émergent. Et qui fait qu'effectivement, dans ce flot de mensonges et de vérités cachées, c'est difficile de savoir où est la vérité. Mais en même temps, Alain Soral, Internet permet aussi de répandre les thèses de ceux qui voient le mal partout. Le nombre de sites Internet qui dénoncent en permanence des manipulations, qui dénoncent les mensonges, etc., ça vous devriez applaudir. Non, parce que là, évidemment, c'est le complotisme qui décrédibilise le travail sérieux. Mais où précisément mettons la frontière entre le travail sérieux et le complotisme? Bah après, c'est une question quand même de le savoir. Non, bien sûr, c'est difficile. Par définition, c'est difficile. On spécule, c'est difficile. Mais après, c'est une question aussi de formation politique, de maturité, de sérieux. Moi, je sais que, par exemple, je m'intéresse au processus de domination bancaire en étudiant la création de la réserve fédérale américaine, en lisant, etc. Quand on m'envoie des textes par Internet sur les reptiliens, bon, bah là, je laisse de côté parce que d'abord, je n'ai pas besoin de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller si loin. D'ailleurs, moi, je ne crois pas qu'il y a des complots partout. Je pense qu'il y a un complot majeur qui est un complot, je dirais, ce qu'on appelle le mondialisme, qui n'est pas la mondialisation et qui est très facile à analyser, notamment à travers mon bouquin, mais aussi à travers les travaux de Pierre Hillard. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, Asselineau. Et à la limite, c'est même pas discutable. C'est voilà, c'est un truc d'initié. On va dire voilà. Alors, on essaye de pas trop diffuser l'information. Alors, voilà. Vous listez quand même dans votre livre, Alain Soral, des réseaux qui, dans l'ombre, essaieraient, en tout cas, c'est votre thèse, de manipuler l'opinion au nom finalement d'une volonté de pouvoir. Bon, c'est un petit peu tarte à la crème, mais enfin, il y a quand même les juifs, les francs-maçons, les banquiers. Ça fait des siècles qu'on entend ça, non ? Oui, ça fait des siècles que c'est vrai, oui, bien sûr. Et on n'en a jamais apporté la preuve, si ? Si, bien sûr, oui, toujours. Bien après, c'est un combat... Pourquoi d'ailleurs toujours associer les juifs et les francs-maçons, par exemple ? C'est Mélenchon qui l'a dit. Il a dit peu facile, parce que historiquement... Non, mais je vais vous répondre. Dès le 19e siècle, Jean-Luc Mélenchon n'était même pas né. Hein. Il a dit la liberté de penser en France s'est constituée contre le pouvoir de l'Église catholique, et cette liberté de penser vient des maçons, qui elle-même est une création protestante, qui elle-même puise sa source dans le judaïsme. Donc lui-même fait une association maçonnerie égale protestantisme égale judaïsme. C'est lui qui le fait. Et c'est vrai que cette filiation est exacte. Et en face, il y a, comme ennemi, il y a l'Église catholique. Et puis après, il y avait d'autres réseaux qui se sont effondrés, comme le réseau communiste, qui a disparu. Mélenchon est membre du Grand Orient. Il le dit jamais. C'est un maçon. C'est un laïcard hyper violent, qui est très anti-catholique. Et tout ça s'inscrit dans des traditions, des filiations, des réseaux de pouvoir aussi, et des réseaux d'alliances. Il n'y a pas besoin de délirer pour étudier ça, c'est tout. Bruno Faye, sur le fameux complot, on va employer le mot, le fameux complot judéo-maçonnique, là, c'est vraiment pas une nouveauté, effectivement. quelle est votre analyse et comment expliquez-vous que cette expression est autant fait fleurir? Réseau. On est bien d'accord, mais il y en a d'autres qui l'ont dit avant vous. Comment expliquez-vous que cette expression ait autant fait fleurir? Moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture qu'Alain Soral. Je pense qu'effectivement, bon, en plus, ça fait partie ce complot, ces réseaux francs-maçons et juifs qui dominent le monde, fait partie de ce vieux conspirationnisme, selon moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui se propage. Attali parle de l'hyperclasse mondiale, il parle la même chose, il dit la même chose avec un nouveau vocabulaire, et il le revendique et il l'affirme. Hein. Non, sauf que j'ai une vision un peu plus complexe, à mon avis. Je pense aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a énormément de pouvoirs qui s'affrontent. On a énormément de lobbies qui s'affrontent et on n'a pas un ou deux lobbies qui dominent le monde. Je pense que les choses sont plus complexes que ça dans tous les secteurs. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on prend les mensonges récents, par exemple, de Michèle Alliot-Marie. Elle n'a pas besoin de juifs ou de francs-maçons pour mentir. On prend Karachi, les juifs et les francs-maçons n'ont rien à voir là-dedans. On prend la Verkler Stream, ça n'a rien à voir non plus. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Il y a peut-être une partie d'un lobby, des lobbies qui existent, mais ce ne sont pas eux aujourd'hui qui posent problème. Le vrai problème, à mon sens, que j'analyse là vraiment dans le livre, c'est ça. C'est les mensonges quotidiens, les manipulations quotidiennes dans tous les secteurs, secteur de la guerre économique aussi. Dans l'affaire Renault, il n'y a pas de complot judéo-maçon. Ça n'a rien à voir. Dans l'affaire du médiateur, tous les secteurs sont touchés. Dans l'affaire du médiateur, si ça peut aller aussi loin dans le n'importe quoi qui conduit à des morts, c'est parce que derrière, il y a un puissant réseau maçonnique qui est très influent au niveau de la médecine organisée et qui a empêché les organismes de contrôle et de validation de fonctionner correctement. L'OMS n'a pas besoin du complot judéo-maçon. L'OMS nous a menti sur la grippe. Mais moi, je parle de la maçonnerie presque au sens général, c'est-à-dire que ce sont des réseaux de solidarité occulte, qui ont remplacé ce qu'on appelait les corps intermédiaires dans l'ancien régime. Ils sont le pouvoir. Pour élargir un petit peu la question à la Soral, en quoi est-ce que c'est grave d'avoir des lobbies qui finalement s'opposent, chacun finalement défendant des intérêts. C'est pas que c'est grave, c'est que ce n'est pas transparent. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge. C'est-à-dire que les gens pensent que on a aboli l'ancien régime pour établir un principe qui est que rien ne doit exister, qui vient parasiter la relation entre l'État et le citoyen. Or, en réalité, le citoyen n'a aucun pouvoir et l'État n'est jamais que l'émanation d'un rapport de force entre réseaux. Mais un lobby, c'est un groupe d'intérêts. Donc, ce sont des citoyens qui se regroupent pour défendre un certain nombre d'idées et peser sur le pouvoir, tout simplement. Quand on voit, par exemple, ce qui est arrivé à Dieudonné après qu'il ait osé faire un sketch, là, on voit très bien un réseau hyper Dieudonné, puissant. Dieudonné, dont vous êtes un proche. À ma vie, bien sûr. Ce qui est arrivé à Dieudonné depuis qu'il a fait son sketch chez Fogiel est la preuve de l'existence d'un réseau très puissant qui a pu permettre de transformer un empire raciste noir. Chacun défend ses intérêts. On voit très bien que la République vous publiez des livres pour défendre on vos voit idées. Très bien que la République s'est mise à dysfonctionner, qu'il y a eu deux poids deux mesures, que la justice a été fortement influencée, manipulée. C'est en train d'ailleurs de se rééquilibrer sur la durée, mais on voit très bien qu'il y a des gens qui ont des moyens d'influencer et c'est-à-dire de passer outre les lois de la République. Alors est-ce que l'influence, le pouvoir des lobbies, Bruno Faye, est une menace pour la démocratie? Je ne sais pas, c'est plus juste sur la question juste avant, parce que je répondais quand même, on est sur un débat. Sur l'exemple de Dieudonné, c'est intéressant. Moi, justement, j'ai une vision plus large. Je pense que Dieudonné n'est pas attaqué uniquement par ses positions. Je pense qu'il est attaqué tout simplement parce qu'il évoque des complots et l'existence d'un conspirationnisme. Enfin, en tout cas, de conspiration. Et c'est vraiment ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a les conspirationnistes qui sont aussitôt disqualifiés dès qu'ils ont une vision qui est autre que celle de la vision courante. Ce que je veux dire donc par ça là, veut dire c'est qu'il faut laisser tout le monde parler sans forcément exemple. Lui tomber sur le poil si on n'est pas d'accord. Ça aurait été plus intelligent d'ailleurs. Je prends l'exemple, je ne parle pas moi de judéo. Mais le principe du débat implique la contradiction. Moi, je ne parle pas de complot judéo-maçon dans mon livre. Par contre, effectivement, dès que je rencontre des journalistes, dès que je rencontre des journalistes, je vois que c'est un sujet qui fait peur. C'est-à-dire que dès qu'on touche des sujets, par exemple le 11 septembre ou le conspirationnisme ou autre, des sujets font peur. Donc c'est pas en tant qu'individu que de donner menacé, parce que je le suis moi-même. J'étais pas sur ces listes, pas du tout. Donc par contre, c'est un sujet qui fait peur. Là, j'étais invité à deux radios. Les deux radios m'ont dit, écoutez, on a normalement des auditeurs, on va les couper. Parce que c'est un sujet où à chaque fois qu'on parle de ça, on a plein de gens qui appellent et c'est impossible. Le débat est impossible. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce débat est impossible justement sur les thèmes un petit peu sensibles. Alors les dérapages sont voulus pour disqualifier. C'est-à-dire alors, que vous parlez, vous parlez des puissants réseaux. Attendez, Dieudonné, il a dérapé tout seul. Non, au départ, on l'a poussé. Ça a dérapé quand on vous pousse, qu'on vous fait des croches. Il est quand même responsable des propos qu'il a tenus et du sketch qu'il a fait. Oui, au départ, il l'a toujours revendiqué d'ailleurs. Il montre du doigt un extrémiste religieux colon. C'est-à-dire que normalement, selon les droits de l'homme et les valeurs démocratiques, c'est lui qui est dans le bon. Et tout le monde rigole à son sketch, et le lendemain, personne n'en a rien à foutre, et là, il y a une puissante machine qui se met en marche pour le diaboliser, le marginaliser, le persécuter, 30 procès, jusqu'à ce qu'on arrive à le faire condamner. C'est évident volontairement aussi, quand même. C'est aussi une volonté, sans doute, de provoquer aussi. On voit très bien que Zemmour, lui, est condamné à 2000 euros avec sursis pour des propos exactement symétriques. Voilà, donc on voit très bien que le noir, attaquer le juif coûte beaucoup plus cher qu'attaquer le noir. Mais il y a pas des surenchères. Et que ça prouve que derrière, il y a des réseaux plus ou moins puissants, je veux dire, comme des équipes de football plus ou moins riches. Moi, je ne fais pas de délire complotiste. Je dis, il y a un mensonge démocratique. Mais ça prouve qu'il y a des réseaux qui sont à l'œuvre. Il y a un mensonge démocratique, il y a un mensonge républicain. Il y a des lois. Non, non, il n'y a pas des lois. Il n'y a pas des lois. Les juges ont décidé. Mais non, j'ai été condamné. Où voyez-vous un réseau là-dedans? Bien sûr qu'il y a des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont. Là, il y a eu 17 pauvres noirs qui sont morts cramés dans des hôtels. Et le procès a duré 2 demi-journées. Il n'y a eu aucune inculpation. C'est 17 morts. Si ça avait été 17 morts originaires d'une autre communauté, il y aurait eu 30 inspecteurs mis sur l'enquête. Quand on peint une croix gammée sur un mur, il y a 30 inspecteurs pour chercher qui l'a peinte. Quand il y a 17 noirs qui meurent dans un hôtel, c'est classé en 48 heures. Bruno Faye, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures, des réseaux plus puissants que d'autres qui, du coup, organisent une contre-offensive? Mais ce qui m'embête, c'est qu'on tombe dans l'idiot utile. C'est un peu comme Thierry Messon qui a décrédibilisé tout sur le 11 septembre. Et de donner, moi, malheureusement, j'ai un peu ce sentiment-là. On coupe le débat. Mais on coupe le débat, lui ou d'autres, c'est ça que je veux dire. Mais on coupe le débat, du coup. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vrais complots, il y a un vrai impact. Et il faut vraiment s'intéresser à ça. Et du coup, en parlant comme ça, en accusant un réseau particulier ou un lobby particulier, je pense qu'on passe à côté du sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment la société du mensonge qui est aujourd'hui préoccupante. Alors justement, est-ce que la solution, puisqu'il nous reste un petit peu plus de 2 minutes, est-ce que la solution, Alain Soral, c'est d'organiser la transparence, d'organiser le jeu des lobbies? Oui, la loi. Est-ce que c'est mieux aux États-Unis, par exemple, puisque les lobbies sont reconnus au sein du Congrès? La situation française est ultra mensongère. Les lobbies n'ont pas le droit d'exister, ni les communautés dans la République. C'est interdit, puisque rien ne doit exister entre le citoyen et la République. Hein. Les communautés ne sont pas reconnues dans notre société par l'institution. Or, il n'existe finalement que des communautés, en réalité. Et ce qui m'énerve en France, c'est le mensonge. Pour le reste, c'est du rapport de force, c'est du rapport d'organisation, c'est la vie, et quelque part, c'est assez logique. Mais ce qui est insupportable, c'est le mensonge total. C'est cette espèce de mensonge démocratique qui n'a rien à voir avec la réalité. Il faut institutionnaliser les réseaux. Ouais. Vous avez pourquoi oui, les francs-maçons oui, ne doivent pas... Mais si on institutionnalise les réseaux, ce ne sont plus des réseaux. Ça devient démocratique. Par exemple, on sait que Mélenchon est franc-maçon quand il se présente. Voilà, c'est intéressant vous de savoir. Vous ne l'aimez pas, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça, c'est que je n'aime pas les voteurs. Voilà, c'est mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester que sur cette vision. C'est plus compliqué, les choses. Jean-Luc Mélenchon, quand même, petite précision, n'a jamais dit qu'il n'était pas franc-maçon. Il n'aime pas qu'on lui pose la question. Et normalement, ça devrait être marqué sur ses affiches. C'est candidat socialiste. C'est pas l'essentiel de ses convictions politiques. Non, mais c'est très important. C'est une vision du monde. C'est un réseau. Ce sont des valeurs. C'est une eschatologie, etc. Au-delà des réseaux, il y a aussi d'autres raisons. Il y a aussi la raison d'État qui m'intéresse énormément. Notamment, j'ai rencontré Michel Rocard qui m'a fait des révélations fracassantes sur la raison d'État. Exactement. Mais c'est intéressant, c'est ça aussi. C'est que la raison d'État aussi compte aussi. Il n'y a pas que des lobbies, il n'y a pas que des groupes de pression. Donc la question se pose, effectivement, d'aller vers une société plus transparente, oui ou non. En France, en tout cas, on a une vaste marge de manœuvre. Oui, très vaste. Et par rapport, et on est sans doute plus mensonger que d'autres pays. On a plus de tendance à être secret qu'ailleurs. Les États-Unis, qu'on peut critiquer, ils ont des lois un peu plus transparentes que nous, où au moins les choses peuvent être sues 15, 20 ans après. On n'a pas ça en France. Le lobby sioniste aux États-Unis s'affiche ouvertement qu'un lobby puissant qui revendique de financer. Alors moi, je ne reviens pas à la lecture des lobbies. Moi, je suis un peu plus au niveau de la main. Le lobby sioniste se vante, comme je montrais sa puissance, qui finance la moitié des politiques. C'est-à-dire que la moitié de l'argent politique, c'est eux qui le fournissent. Et ils le disent pour bien qu'on comprenne qu'il faut être sioniste pour pouvoir progresser en politique aux États-Unis. Je trouve ça plus honnête qu'en France où c'est en réalité la même chose. Mais alors comment changer les choses en France, Bruno Faye? Est-ce que le modèle américain peut s'appliquer à Hexagone? C'est pas non plus le modèle parfait, mais en tout cas aller vers plus de transparence, parce que je pense que les citoyens qui ne croient plus en la parole officielle, aujourd'hui sont un petit peu sortis de la matrice, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus en rien. Ce sont des gens qui ne votent quasiment plus, ceux que j'ai rencontrés d'ailleurs dans ce livre. Ils ne votent quasiment plus, ils sont en dehors du système. Et le problème, c'est que ça mène à quoi? Ça mène soit effectivement à la révolte, soit à une situation où plus personne ne s'intéresse à la politique. Merci beaucoup à tous les deux. Bruno Faye, Complocratie, enquête aux sources du nouveau conspirationnisme, c'est aux éditions du moment. Merci à vous Alain Soral, Comprendre l'Empire aux éditions Blanches. Restez avec nous tout de suite, l'actualité continue sur RFI.